بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله en cette nuit du 16 Safar 1442 qui correspond au 2 octobre 2020. On se retrouve sur les ondes de la radio de l'imam Malik pour une nouvelle assise de la série Source de Rabi'us Sunna. Cette série qui va nous amener par la grâce d'Allah à connaître la noble et réelle place de ce grand imam de notre époque que certains qui ont changé de bord disaient: je ne connais pas quelqu'un à notre époque qui a accompli ce qu'a accompli Cheikh Rabi', dans la réfutation des individus, des groupes et des partis de l'innovation. Il a dévoilé leurs faux et leurs innovations, et je crois qu'il est le revivificateur à ce niveau. Et je reviens à la préface que l'allama Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, qu'il a fait du livre de Cheikh Ahmed al-Zahrani, où Cheikh Ahmed al-Zahrani a compilé les paroles de Cheikh Rabi, hafidhahullah, concernant l'Iman, pour montrer que Cheikh Rabi est loin de la voie de l'Irja, que certains vont lui coller et que certains traitent de morger. Cheikh Abdullah a dit dans cette préface, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, Il est déterminé législativement que la défense des adeptes de la vérité, c'est une défense de la vérité, car c'est eux qui sont les porteurs, qui en sont les porteurs, et c'est eux qui la propagent, et c'est eux les héritiers de la prophétie. Et il a dit aussi, hafidhahullah, dans cette préface, tout le monde voit cette audace et cette effronterie vis-à-vis des savants, surtout les savants de la Sunna, qui sont connus et reconnus pour leur défense de la vérité, et les défaites qu'ils font subir aux faux et aux adeptes des faux. Et ceci est clair sur le terrain. Cette audace qu'ont certains à différents aspects, il s'accomplit de façon différente et à des degrés différents. Et ces adeptes du faux, même si leurs sources sont différentes, mais ils ont un point en commun qui les réunit, les passions et l'exaspération contre la vérité et ses adeptes. Et il a dit, hafidhahullah ta'ala, dans la même préface, mais cela ne gêne en rien, il ne fait aucun mal aux adeptes de la vérité. Au contraire, cela les raffermit encore plus et les renforce face aux faux et à ses adeptes, car ils sont sur la vérité et ils accomplissent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec science et équité. قال عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. Donc la traduction approximative du sens du verset, il est dit, bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et le voilà qui disparaît. Cheikh Abdullah Habidallah a dit, je console, nous savons, les adeptes de la sunna, les salafis, avec la parole de Waraq ibn Nawfal, qui a dit au messager d'Allah contre Khadija, radiyallahu anha, Waraqa a amené le messager d'Allah voir Waraqa ibn Nawfal, et quand le messager lui a annoncé la révélation qu'il a vue dans la grotte de Hira, Waraqa lui a dit, si j'étais jeune et vivant au moment où ton peuple te font sortir, c'est-à-dire si j'étais jeune, je serais avec toi et je te soutiendrai. Et le messager d'Allah lui a dit, est-ce qu'ils vont me faire sortir? Waraqa ibn Nawfal lui a dit, oui. Quiconque qui ramène ce que tu as ramené, lui a été déclaré l'hostilité. Le hadith est dans Sahih al-Bukhari. Et il cite, Hafidhahullah, des paroles d'Ibn al-Qayyim dans Madaris Salikin, le tome 3, la page 196. Dans cette page, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, interprète le hadith des étrangers, c'est-à-dire ceux qui sont isolés. Le terme étranger, al-ghuraba, le sens le plus fort, c'est les isolés. Et il a dit, rahimahullah, c'est-à-dire Ibn al-Qayyim, les croyants au milieu des musulmans sont étrangers, c'est-à-dire ils sont isolés. Et les savants au milieu des croyants sont étrangers, ils sont isolés. Et les adeptes de la sunna qui la purifie, qui la distingue des passions et des innovations, sont étrangers, sont ghuraba, sont très isolés. Et ceux qui appellent vers la sunna et qui patientent et supportent ce que les divergents leur font subir, sont plus étrangers que tout cela. C'est-à-dire, ils sont plus isolés que tout cela, c'est-à-dire ceux qui défendent la sunna et qui répliquent au faux. Et Ibn al-Qayyim de dire, rahimahullah, mais ceux-là sont les gens d'Allah véridiquement. Il n'y a pas d'isolement pour eux. Leur isolement, il est par rapport au grand nombre de qui Allah a dit وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et la traduction approximative du son du verset, si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du soutien du sentier d'Allah. Ça veut dire que ceux qui défendent la sunna, qui se cramponnent à la sunna, ne sont pas isolés. Ils sont isolés par rapport à cette grande masse, qui n'est pas accrochée à la sunna. Donc, dit Ibn al-Qayyim, ceux-là, ce sont eux les isolés, c'est-à-dire ceux la grande masse qui ne se cramponne pas à la sunna et qui est loin de la sunna. Il a dit, donc ceux-là, ce sont eux les isolés d'Allah et de son messager et de sa religion. Et leur étrangeté et leur isolement est le plus horrible, même s'ils sont réputés et même si les projecteurs sont orientés vers eux. Même si c'est eux qui ont pignon sur rue, même si plein phare sur eux, les projecteurs sur eux, ils sont au devant de la scène, mais ils sont isolés de la voix qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Ibn al-Qayyim a dit aussi, certes, l'islam véridique sur lequel était le messager d'Allah et ses compagnons aujourd'hui, il est très étrange et très isolé, plus qu'à son début. Même si ses caractères et ses emblèmes sont connus et apparents, l'islam véridique est étranger, très isolé, et ses adeptes sont très isolés au milieu des gens. Maintenant, si Ibn al-Qayyim voyait la situation dans laquelle sont les gens de la sunna et ceux qui se cramponnent à la voie salafi, qu'est-ce qu'il dirait, rahimahullah ta'ala? Et donc, toujours les paroles d'Ibn al-Qayyim que Cheikh Abdallah a cité dans cette préface qu'il a fait au livre de Ahmad Zarani, Ibn al-Qayyim a dit, comment un groupe unique ne peut pas être étranger, isolé au milieu de 72 groupes qui ont des leaders et des disciples et des postes et des principautés et qui s'accomplissent sur tout ce qui est en divergence avec ce qu'a ramené le messager d'Allah. Donc on voit bien, ça ne peut pas être autrement. Ils sont étrangers par... C'est une fraction au milieu de 72 fractions. Et il dit, rahimahullah, c'est-à-dire toujours, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, et si le croyant qu'Allah a comblé de clairvoyance dans sa religion, et qu'Allah a comblé avec la compréhension de la sunna, de son messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et de la compréhension de son livre, et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a montré les innovations et les passions et les égarements dans lesquels se trouvent les gens, et comment les gens sont détournés de la voie droite sur laquelle était le messager, alayhi salatu salam et ses compagnons. Et c'est cet homme-là qui a été comblé ainsi s'il veut emprunter cette voie, dès que la voie de la vérité, il faut qu'il s'attende à ce qu'il soit dénigré, critiqué par les ignorants et les adeptes des innovations, et ceci pour faire éloigner les gens de lui et pour les avertir contre lui, comme faisaient leurs prédécesseurs parmi le Koufa avec son imam et celui qu'il suit. Donc c'est la voix d'Allah. Hein? C'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout un chacun qui se cramponne à la vérité, il va être dénigré. Et regardez autour de vous maintenant, cette guerre qu'on mène, hein, là-bas, en Europe et partout, hein, qu'on mène contre la religion véridique, la religion des, sur laquelle était le messager alayhi salatu wasalam et les pieux prédécesseurs d'Allah alayhi, les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Et toujours les paroles d'Ibn al-Qayyim, il dit, et si il appelle vers la voie, c'est-à-dire c'est cet homme maintenant qui connaît la vérité et qui se cramponne à cette vérité et qui appelle vers cette voie qu'il a empruntée et qu'il avertit contre les voies sur lesquelles sont les innovateurs, là, les innovateurs et ceux qui suivent leur passion se soulèvent contre lui et lui tendent des pièges et manigancent contre lui. Ils réunissent toutes leurs forces pour le combattre et pour le faire taire. Ibn al-Qayyim de dire, rahimahullah, il est isolé dans sa religion, car la leur est mauvaise. Il est isolé dans son cramponnement à la sunna, car eux, ils sont cramponnés aux innovations. Il est isolé dans sa croyance, car les leurs sont mauvaises. Il est isolé dans sa prière, car la leur est mauvaise. Il est isolé dans sa voix, car leur voix est mauvaise, et c'est des voies de l'égarement. Et il est isolé dans son affiliation, car il est en divergence avec leur affiliation. Lui, il est affilié au prophète, alayhi salam, et à ses compagnons, et ceux qui les suivent à la perfection. Huma, ils sont affiliés à autre chose. Et il est isolé dans son rapport avec eux, car il se comporte avec eux de façon qui n'est pas conforme avec leur passion et leurs innovations. Et il dit, rahmatullah alayhi, Ibn al-Qayyim, dans l'ensemble, il est isolé dans toutes les situations de son mondain et de son au-delà. Il dit, hein, il ne trouve pas de soutien et d'aide chez la masse. C'est un savant parmi des ignorants, un homme de la sunna au milieu des gens de l'innovation. Il prêche vers Allah au milieu des prêcheurs qui prêchent les passions et les innovations. Il ordonne le convenable et blâme le blâmable au milieu de gens pour qui le blâmable c'est le convenable et le convenable c'est le blâmable. Fin de citation des paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah qu'a cité Cheikh Abdallah dans la préface qu'il a fait du livre de Ahmed Zahrani. Et Cheikh Abdallah a dit, Hafidhahullah, cette voie à laquelle fait allusion l'imam Ibn al-Qayyim qui consiste à éloigner les gens des savants de la sunna, c'est la voie des anciens innovateurs et des contemporains. C'est-à-dire, c'est une voie unique. C'est la voie qu'ont emprunté les anciens innovateurs. Et c'est la même qu'emprunte maintenant les nouveaux. Et il a dit, et Cheikh Abdallah a dit, hein, Hafidhahullah, médite ce qu'a dit l'imam Shatibi, décrivant les voies des adeptes des passions qui consistent à enlaidir et à blâmer les fatawas des savants chez la masse pour les éloigner de la sunna et du suivi des adeptes de la sunna. Shatibi a dit, rahimahullah, dans l'Ihtisam, le tome 2, page 52, il a dit, et probablement, il rejette les fatawas des gens de la sunna et les blâmes, ils l'ont délice dans lui de la masse pour éloigner la communauté du suivi de la sunna et de ses adeptes. Fin de citation. Et il a dit, Hafidhahullah, Cheikh Abdallah a dit, le but de cette voie de l'égarement, c'est de détourner de la sunna et de ses adeptes. Et cela tout prouve que le fait de détourner les gens des adeptes de la vérité, c'est les détourner de la vérité. Ibn Abi Shayba rapporte dans le 11e tome, à la page 128, comme l'a cité Cheikh Abdallah, Ibn Abi Shayba a dit, cramponne-toi à la vérité se collera à toi. Cramponne-toi à la vérité va se coller à toi. Et Cheikh Abdallah, Hafidhahullah, a dit, dans cette préface, il est déterminé que le combat du vrai entre le vrai et le faux est ancien et fait partie de ce combat le fait de clarifier la sunna et de réfuter les innovations. Il cite les paroles d'Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre qu'il a fait pour répliquer Al-Bakri, qui s'appelle Radd ala Al-Bakri, la réfutation de Al-Bakri, où Cheikh l'Islam a donné un exemple aux gens de la Sunna. Il a dit, et les gens de la Sunna, quand ils font face aux gens de l'innovation, ils ont une part du face-à-face que font les croyants face aux mécréants. Fin de citation. Regardez cette belle image que te fait, que nous a donné Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, que les gens de la Sunna, quand ils font face et contre les innovations et les innovateurs, il est similaire au face-à-face que les croyants font aux mécréants, face aux mécréants, dans le combat. Et Cheikh Abdallah al-Bukhari de dire, c'est pour cela que la réfutation des adeptes de l'innovation et l'éclaircissement de la Sunna est un grand combat sur le sentier d'Allah. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas faiblir et tomber dans la lâcheté. Car ceci, c'est l'affaiblissement de la vérité et de ses adeptes, et c'est un triomphe du faux et de ses adeptes. Et il a cité les paroles du Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, dans le quatrième tome, à la page 13. Le Taymiyyah a dit, celui qui réplique aux adeptes des innovations est un combattant, au point que Yahya ibn Yahya disait, défendre la Sunna est plus méritoire que le combat sur le sentier d'Allah. Fin de citation. Et l'élève de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, l'imam Ibn al-Qayyim, Cheikh l'Islam, le deuxième Cheikh l'Islam, dans Madaris Salikin, dans le tome 1, à la page 372, il a dit, rahimahullah, les pieux prédécesseurs et les imams de la science répliquaient fortement à l'innovation. Ils se sont opposés à ses adeptes partout sur terre et ont averti contre leur fitna fortement, et ils l'ont fait de façon très forte, plus que le blâme qu'ils faisaient contre les turpitudes et l'injustice. Car le mal de l'innovation et sa destruction de la religion et sa contradiction avec la religion est beaucoup plus grave et très très grave. Fin de citation des paroles d'Ibn al-Qayyim. Et Cheikh Abdallah Hafidhahullah a dit, dans cette même préface, fait partie des grâces d'Allah pour ses serviteurs qu'il a préservés, qu'il a préparés, subhanahu wa ta'ala, des imams qui comprennent le faux et le refutent. Ainsi, ils éloignent de la religion d'Allah les fausses interprétations des ignorants et le déguisement des négateurs et la déformation des extrémistes. Et il cite les paroles de Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, dans le Jumu', le tome 9, à la page 233. Cheikh l'Islam a dit, ce qui est voulu, c'est que dans cette communauté, la louange est à Allah, il y a toujours ceux qui sont éveillés et comprennent le faux que contiennent les paroles des adeptes du faux et les réfutent. Et par la guidée d'Allah, ils concordent à accepter le vrai et à refuter les opinions et les transmissions fausses sans s'entretenir ou de concorder entre eux pour cela. Fin de citation. C'est-à-dire que les gens, les adeptes de la Sunna, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette clairvoyance et cet éveil, et qui comprennent le faux dans les paroles et dans les actes des innovateurs et de ceux qui suivent leur passion, qu'ils soient au sud ou au nord, sans se concerter, refutent de la même façon le faux et les innovations, même si les expressions sont différentes, mais la réfutation y est. Sans se concerter et sans se réunir pour cela. Cheikh Abdallah a dit, cela demande à l'ensemble des adeptes de la Sunna de révérencer comme il se doit ses imams et de les estimer et de les respecter. Ceci est une obligation vis-à-vis des imams de la Sunna, car ils portent la science sunnite et la voie sunnite, et ils portent une da'wa pure. Et le fait de les estimer et de les respecter comme ils s'y alloreront, ceci fait partie des constances fondamentales chez les adeptes de la Sunna. Et cela ne doit pas être délaissé. Et on ne doit pas s'en détacher. Et cela ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles. Il dit, Hafidhahullah, Cheikh Abdullah, mais il n'est pas permis de mal se comporter avec eux et d'utiliser des expressions qui ne font pas partie de la voix du demandeur de la science vis-à-vis de leur chouyour. Cela est une preuve de faiblesse et celui qui agit ainsi. Et Cheikh Abdullah de dire, Hafidhahullah, il fait partie de ces savants combattants actifs qui ont eu une position véridique face aux faux et aux adeptes du faux et qui ont dévoilé le faux et qui l'ont fait reculer et qui n'a pas été épargné par les flèches de l'injustice et de l'ignorance des passions. Notre cheikh, le rudil allama, le muhaddith, le noble critique, Abu Muhammad Rabi ibn Hadi ibn Umayr al-Madkhali, qu'Allah le préserve. Il dit, Hafidhahullah, ce noble emblème courageux, combien ses écrits et ses répliques ont étouffé les gorges des adeptes des passions, toute catégorie et toute orientation confondue et toute tendance. Il dit, Hafidhahullah, Allah, de par sa grâce, a dévoilé par le biais des écrits du Cheikh Rabi', beaucoup d'ambiguïté et beaucoup de doutes propagés contre la bénite dawa salafi. Il dit, Hafidhahullah, Cheikh Abdullah, par la grâce d'Allah, beaucoup ont profité des écrits du Cheikh Rabi'. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dissipé par le biais de cet homme, des nuages qui ont aveuglé beaucoup pendant longtemps sans que la vérité leur soit clarifiée. Il dit, Hafidhahullah, la louange est à Allah, au début et à la fin, intérieurement et en apparence. Et qu'Allah récompense notre cheikh Rabi' de la meilleure des récompenses et de la récompense la plus complète pour son combat qu'il mène contre les divergents avec la voix du plus noble des messagers alayhi salatu wassalam et la voix des croyants. Il dit, Hafidhahullah, on ne connaît notre cheikh Rabi' que défenseur de la sunna, combattant pour le triomphe de la sunna et répliquant à ceux qui sont en divergence avec la sunna par des efforts qu'il faut lui reconnaître et l'ont remercié des livres, des conférences, des rencontres et autres voies bénéfiques qu'il a empruntées selon ses capacités, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Et Cheikh Abdallah de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, celui qui médite sur les nombreux ouvrages du Cheikh Rabi', dont la défense de la sunna et la réplique à ceux qui sont en divergence avec la sunna, se trouvera devant une grande science et se rendra compte que ce cheikh est enraciné dans la science et ceux qui sont enracinés dans la science sont peu nombreux. Et je dis, malgré la grande science qu'il a et l'enracinement qu'il a dans la science, ceci n'a pas empêché les insensés de le dénigrer, de le critiquer sans raison et sans preuve valable. Et de dire des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Que c'est une momie, qu'il est téléguidé, qu'il est, assigné aux résidences surveillées, et qu'on lui écrit ce qu'il faut dire, et ainsi de suite. Et notre noble cheikh Abdallah, Hafidhahullah, a dit dans cette préface, parmi les causes qui font que ceux qui n'ont pas de comportement s'acharnent sur notre cheikh Rabi', le défenseur de la sunna, c'est que notre cheikh a emprunté la voie des imams de la science qui ne font pas de favoritisme dans la religion d'Allah. Et je dis, et on voit cela clairement dans cette dernière fitna qui est la fitna de la Safaqa. Alors que Cheikh Rabi' aimait beaucoup et estimait beaucoup Cheikh Mohammed ibn Hadi, il n'a pas hésité, Hafidhahullah, un instant, d'émettre son jugement basé sur les preuves que Cheikh Mohammed ibn Hadi est injuste vis-à-vis de certains demandeurs de science et qu'il a critiqué. Regardez, pas de favoritisme chez les gens du hadith et chez les gens de la sunna. Et Cheikh Abdallah, dans cette préface, a cité les paroles de l'Hafid al-Baghdadi. L'Hafid al-Baghdadi, après avoir rapporté la parole de Muhammad ibn Hatib ibn al-Mudaffar, a dit, écoutez bien cela, personne parmi les gens du hadith ne fait du favoritisme, même s'il s'agit de son père, de son frère ou de son fils. Et Ali ibn al-Madini, alors qu'il était l'imam du hadith de son époque, ne rapporte même pas une lettre, c'est-à-dire une lettre de l'alphabet, pour renforcer et soutenir son père. Mais on rapporte de lui le contraire de cela. Il rapporte rien de son père, parce que pour lui, son père est faible. Et ceci est relaté donc, alors que c'est son père. Donc les gens de hadith ne font pas de favoritisme. Fin de citation des paroles de Al-Baghdadi, de l'Hafid Al-Baghdadi, dont Sharaf Ashab Al-Hadith. Et notre noble Cheikh, Cheikh Abdallah, Hafidallah, de citer, comme rappel à cela, ce qu'a dit Cheikh l'Islam dans sa réplique à Al-Bakri. Cheikh l'Islam a dit, le serviteur doit faire très attention aux voix des adeptes de l'injustice et de l'ignorance. Ceux qui voient qu'ils sont sur la voie des savants, alors que tu entends du bruit du moulin, tu entends le bruit du moulin et tu ne vois pas de farine. C'est une expression pour dire, il y a beaucoup de bruit, c'est-à-dire le moulin fait beaucoup de bruit, il n'y a pas de farine. C'est-à-dire que ceux-là, ils parlent beaucoup, ils font beaucoup de bruit, mais il n'y a pas de science, il n'y a rien, du vide, du pipeau. Et Cheikh l'Islam de dire, tu vois que l'un d'eux est élevé, tu vois l'un d'eux au plus haut degré du savoir, alors qu'il ne connaît que l'apparence de ce bas monde. Il n'a pas effleuré la science héritée du plus noble descendant d'Adam, alors qu'il a été injuste vis-à-vis des honneurs, vis-à-vis des honneurs et autres, vis-à-vis des honneurs des autres, et de leur fortune par ses dires et par ses paroles. Et Cheikh l'Islam de dire, l'un parmi eux est un ignorant injuste. Il n'a pas emprunté dans ses paroles la voix du petit savant. Et ses paroles sont du domaine de la masse égarée et des ignorants conteurs d'histoire. Et dans les paroles de l'un d'entre eux, il n'y a pas une image de vérité. Et encore moins une bonne réponse comme les savants doués de raison. Et il dit, rahimahullah, cher l'Islam, il ne parfait même pas l'imitation que connaissent les jurisconsultes moyens, car il ne connaît pas les paroles et les avis et les preuves des grands imams. Et cher l'Islam de dire, car parler du jugement de la législation n'accepte pas le faux et le fait de dissimuler un défaut, ce qui est, et cela est accepté par les adeptes des innovations et de l'égarement, qui n'ont pas pris leur science des lumières de la prophétie, mais ils dessertent selon leurs avis et leurs passions. Ainsi, ils émettent du mensonge et déforment les textes, et ils font rentrer dans l'islam ceux qui n'en ont fait pas partie, même si de par leurs égarements, ils croient que ça en fait partie. Loin de là, loin de là, cette religion est protégée par Allah. Fin de citation des paroles de Ibn Taymiyyah dans sa réplique de Al-Bakri. Et notre noble cher, cher Abdallah, a cité encore une autre parole de Cheikh l'Islam dans sa réplique Al-Bakri. Au Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah dit, tout un chacun dont la science et les œuvres ne sont pas basées sur la science héritée du messager, conditionné par la législation prophétique, ne sera pas épargné des passions et des innovations. Mais tout ce qu'il a, ce ne sont que des passions et des innovations. Fin de citation. Notre noble cheikh, Cheikh Abdallah, de conclure cette préface en disant, il n'y a aucun mal pour notre cheikh dans ce qu'il subit, dans ce qu'il subit de ce qui lui arrive, et dans ce qu'il subit et ce qui arrive à d'autres savants parmi les adeptes de la sunna et de la salafia. Il dit, cela me rappelle ce qui est arrivé entre le Hassan ibn Umara al-Bajali al-Kufi et le prince du hadith Shu'b ibn al-Hajjaj, rahimahullah. Il a été rapporté dans la biographie d'Al-Hassan dans le livre d'Al-Mujrouhin, c'est-à-dire les réfutés, le livre d'Al-Mujrouhin du mémorisateur Ibn Hibban Sibti, rahimahullah. Ibn Hibban, après avoir cité les paroles des savants à l'encontre d'Al-Hassan, Ibn Umara, et parmi eux Shu'ba, les paroles de Shu'ba, Shu'ba a critiqué beaucoup et a blâmé beaucoup Al-Hassan Ibn Umara. Al-Hassan al-Bajali hada, quand il a su ce qu'a dit Shu'ba sur lui, il a dit « Je pardonne à tous les gens sauf à Shu'ba jusqu'à ce qu'on se trouve tous les deux devant Allah qui jugera entre nous. » Ibn Hibban a commenté les paroles de Al-Bajali, de Al-Hassan al-Bajali, en disant « Le défaut de Al-Hassan ibn Umara, c'est qu'il dissimulait les noms des narrateurs faibles et ne citait que les dînes de qui les narrateurs faibles ont rapporté leur hadith. » Il dit, rahimahullah, Ibn Hibban, il dit que Al-Bajali entendit le hadith de Moussa ibn Matir et de Abil Atouf et de Aban ibn Iyash et leurs similaires parmi les faibles, et il les supprimait de la chaîne de transmission, il les enlevait et il remontait directement le hadith à leurs chouyours qui sont dînes. Et quand Shu'ba a vu ces hadiths inventés que le Bajali a rapporté des dînes, il lui a rejeté, il a critiqué fortement et il l'a réfuté. Et Shu'ba n'avait pas su que le Bajali, qu'entre le Bajali et les dînes, il y avait des menteurs. Comme si le Hassan, pour Shu'ba, c'est comme si le Hassan, c'est lui qui s'est fait du tort à lui-même en dissimulant ses menteurs dans ce qu'il transmettait. Et donc, il s'est collé lui-même ces hadiths inventés. C'est-à-dire, Hassan al-Bajali s'est collé ces hadiths inventés. Ibn Hibban a dit, et j'espère qu'Allah élèvera Shu'ba dans les hautes sphères du paradis, qu'atteindra que ceux qui ont fait le même travail que lui, en ayant défendu et repoussé le mensonge de celui qu'Allah a décrit qu'il ne parle pas sur l'effet des passions et ce n'est qu'une révélation qui lui a été faite. Fin de citation des paroles d'Ibn Hibban dans son livre Le Majrouhi, les réfutés. Notre noble cher, Cheikh Abdallah, de dire, voilà que notre cher Rabbi est ses frères parmi les savants salafis empruntent le chemin et la voie de Shu'ba. Et les imams avant Shu'ba, dont la défense de la da'wa salafi véridique, qui est la religion véridique d'Allah, et qui est la voie de son messager, alayhi salatu salam. Et il dit, Habidallah, nous demandons à Allah, de par sa grâce, de préserver notre noble cheikh et ses frères savants de la sunna, ainsi que leurs élèves de tout mal et qu'Allah leur octroie la science bénéfique et les bonnes œuvres, car il est subhanahu wa ta'ala le meilleur allié et le meilleur souteneur. Fin de citation des paroles de l'allama Abdallah al-Bukhari qu'il a cité dans la préface qu'il a fait au livre de Cheikh Ahmed al-Zahrani. Et ce livre d'Ahmad Sahrani, je vous le répète, est un livre que Cheikh Ahmad Sahrani a compilé des paroles de l'imam Rabi' Sunna concernant l'iman pour montrer et prouver à ceux qui se font avoir parce que propagent l'Haddadi et Akhasmin l'Haddadiya, que Cheikh Rabi' est loin de l'Irja et que Cheikh Rabi' n'est pas à manger et que Cheikh Rabi' est un grand défenseur de la Sunna et un grand homme qui a réfuté l'Irja et le Murji'a. Et bi'idnillah azza wa jal, on se retrouvera vendredi prochain pour anéantir et montrer le faux de cette accusation émise à l'encontre de Cheikh Rabih en lui attribuant l'irja. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'il husna wa sifati al-ula, an yuthabbitana wa iyyakum ala al-haqqi hatta nalqah, wa an يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأله سبحانه وتعالى أن يخرج إخواننا من بلاد الكفر سالمين غانمين وأن يثبت المهاجرين منهم على هجرتهم في بلاد الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع هذا الوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا